Je n'ai jamais caché que le Death Race avec Jason Monolith Statham était un de mes plaisirs coupables, con et incohérent. Donc, logiquement, j'ai lancé l'opus original en m'attendant à quelque chose de fun et d'inoffensif. Et là, c'est le drame. En effet, il n'est pas inoffensif du tout. L'univers dépeint ici est sombre et cruel. Les protagonistes sont cyniques et l'humour caustique. Sans trop m'avancer, je pense que Paul Bartel n'était pas le poulain le plus malléable de l'écurie Corman. Ceci dit, on n'échappe pas à certaines facilités scénaristiques, comme les deux héros que tout oppose qui tombent amoureux en quelques échanges, ou le caractère assez unidirectionnel des personnages. Mais cela permet au métrage de garder un rythme de croisière bien agréable. Un autre bon point, le duo d'antagonistes Stallone-Carradine fonctionne réellement bien. L'opposition des deux, tant physique que caractérielle, donne le piquant de cette aventure plutôt sage visuellement. Une belle pépite rétro, plus engagée qu'enragée.